Feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Bateau bossé. Sur Radio Bossé, on va bien se marrer. Sur Radio Bossé, aujourd'hui, une émission spéciale. Ça vous plaira. Un jour, une question. C'est quoi le 11 novembre? Pourquoi tu travailles pas ce jour-là? C'est quoi un monument aux morts? Et un armistice? Pourquoi on appelle les soldats les poilus? Nous fêtons l'armistice de 1918 qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale 1914-1918, aussi appelée la Grande Guerre. Cette date marque la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Plus tard, le 28 juin 1919, sera signé un traité de paix à Versailles qui met réellement fin à l'état de guerre. C'était qu'il est méchant et nous, on était les gentils. Rien n'est si simple et aussi noir et blanc dans une guerre. D'un côté, il y a les Français qui se sont énervés d'avoir perdu l'Alsace et la Lorraine lors d'une autre guerre en 1870. Ce sont les Allemands qui occupent ces régions, ce qui ne plaît pas aux Français qui aimeraient se venger. En plus, dans les deux camps, de nombreuses alliances sont organisées pour se protéger. C'est un peu comme quand tu joues aux voleurs et aux gendarmes. Plus il y a de monde dans ton camp, plus tu as de chances de gagner. Ce qui déclenche le conflit, c'est quand l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo, le 28 juin 1914. Il était l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. C'est l'occasion pour l'Allemagne de déclarer la guerre à la France, le 3 août 1914. Et par le jeu des alliances, on se retrouve avec 35 pays qui sont en guerre dans le monde entier. C'est quoi l'armistice alors? Un armistice, ça signifie quelqu'un qui a cessé d'utiliser les armes. Le 11 novembre, en France, on rend hommage aux hommes qui sont morts pour défendre leur pays. C'est pourquoi une gerbe de fleurs est déposée devant les monuments aux morts dans de nombreuses villes. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé maintenant à l'Allemagne et à France, sont amis et unis. Mais la paix peut être bouleversée à tout moment. C'est terminé. Au revoir. Merci. La blague de Soléon. Ah oui, vous êtes là. Je vais vous raconter une blague. Quelle est la différence entre un éléphant et une fourmi? Ouais, je cherche. L'éléphant peut écraser la fourmi, mais pas le contraire, bah non. Elle est drôle, non? Ouais. Elle est pas marrante du tout, ouais. Au revoir. Si t'aimes la famille Bossé, écoute Radio Bossé. I like witches, I like pumpkins, I like cats, I like cats. Monster clown et ouais, princesse ghost et bunnies. Halloween. Chers amis, bonjour! Aujourd'hui, celui qui joue, ou celle hein, qui joue sur le jeu des 1000 euros est Lilia Poli! Bonjour Lilia! Bonjour! Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis cavalière. Ma jument s'appelle Lixia. D'accord, vous avez quel âge? 19 ans. D'accord, alors vous avez vraiment pile un pour le jeu des 1000 euros. Alors nous allons voir si vous savez répondre à toutes les questions. Le jeu des 1000 euros commence maintenant. Quelle est la capitale de la Thaïlande? Bangkok. Oui, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse qui peut vous rapporter beaucoup hein, pour l'instant. Vous le savez hein, que ça peut vous rapporter beaucoup. Bangkok est évidemment très beau. Vous pouvez y aller pendant les vacances. Il y en a beaucoup qui y sont. Deuxième question. Qui a écrit un sac de billes? Joseph Joffo. Oui, c'est une bonne réponse. Et cette histoire est bien vraie. Car celui qui l'a écrit est celle qui l'a vécue. Ça parle de lui et de son frère. Voilà. Qu'ils échappent à la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Question 3. combien de dinosaures restent-ils ? Les oiseaux, donc un. Oui. Qui sont des sortes de vélociraptors. Oui, c'est bien vrai, les vélociraptors, oui. Des vélociraptors, ce sont des sortes de grands oiseaux avec des grandes faucilles qui peuvent être qui sont de couleur jaune, noir, pour se fondre un peu dans le sable. Question 4. Quelle est la capitale de l'Allemagne ? Berlin. Oui, alors c'est déjà une bonne réponse. Vous êtes infaillible sur les... Capitale, oui. Et ben... Question, vous voulez ou pas faire la question banco ? Oui. D'accord, on va voir si vous allez arriver à faire la question banco. Je vous rappelle qu'avec cette année si particulière, il n'y a personne, mais bon, je fais quand même. Question banco. Depuis combien de temps le Piton des Neiges est-il resté inactif ? C'est une bonne réponse, oui, oui, madame, c'est une vraiment bonne réponse. Vous avez gagné le banco. C'est une bonne réponse. Depuis 12 000 ans, il est éteint. Sa dernière réponse remonte à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est plutôt... long. Voulez-vous tenter le super banco? Oui. Banco, banco, banco. Bon, voilà, alors on va tenter le banco, le super, pour Lilia. Polly. Question super banco. Quel animal qui commence par un O est menacé à cause du réchauffement climatique ? Il vit dans les glaces. L'ours polaire. Oui, c'est une bonne réponse. Vous gagnez 1000 euros que vous recevrez jamais chez vous. Au revoir et à bientôt. C'était le jeu des 1000 euros. Nous espérons que vous nous écoutez toujours sur le... sur Radio Bossé, mais aussi sur le jeu des 1000 euros. À très bientôt! Si t'en as marre de tousser, écoute Radio Bossé. Couvert dans les... Je l'attrape pas la queue. Je la monte à ses mes yeux. Ne pas se saut! Mais ces messieurs me disent... Ces messieurs me disent, grimpez-la dans l'eau, grimpez-la dans mon petit croix, je la mets dans mon chapeau, et dans ma clé, il fait petit grotte. Une souris verte, qui couvait dans l'œuf, elle n'attrape pas la couche. Et la monte ces messieurs me disent, grimpez-la dans mon petit croix, grimpez-la dans mon chapeau, grimpez-la dans ma culotte. Oui, petite crotte. Les trois noisettes. Trois noisettes dans le bois, tout au bout d'une brindille, dansaient la capucine vivement au vent, environ ainsi que fille du roi. Un escargot vient à passer. Mon beau monsieur, emmenez-moi dans votre carrosse, je serai votre fiancée. Disaient-elles tous les trois. Mais le vieux sire, sourd et fatigué, le sire aux quatre cornes sous les feuilles, ne s'est point arrêté. Et c'est l'ogre de la forêt, je crois. C'est le jeune ogre rouge, gourmand et futé, Monseigneur l'écureuil, qui les a croqués. Tristan. Mais oui, je suis une girafe, m'a raconté la tour Eiffel. Et si ma tête est dans le ciel, c'est pour mieux brouter les nuages, car ils me rendent éternelle. Mais j'ai quatre pieds bien assis dans une courbe de la Seine. On ne s'ennuie pas à Paris, les femmes comme des phalènes, les hommes comme des fourmis, glissent sans fin entre mes jambes. Et les plus fous, les plus ingambes, montent et descendent le long de mon cou comme des frelons. La nuit, je lèche les étoiles, et si l'on m'aperçoit de loin, c'est que très souvent, j'en avale une sans avoir l'air de rien. Maurice Carême. Et pour terminer, nous vous proposons une chanson d'Aldebert sur le Corona Minus et une dernière version de Célian de la Souris Verte, la version numéro 3. Gros bisous! À bientôt! À bientôt! À bientôt les